Section 105 de La Lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. La Lecture, tome 6e, section 105. Stanley, sa vie, ses aventures et ses voyages, par Adolphe Burdeau. Chapitre 3, Mirambo. Un empire nègre, guerre déclarée, prise de Zimbizo, revanche de Mirambo, la déroute. L'incident capital qui marqua ce premier voyage de Stanley en Afrique, et qui faillit du reste compromettre le succès de son expédition et lui coûter la vie, ce fut la part active qu'il crut devoir prendre à la guerre que les Arabes de Tabora déclarèrent au fameux empereur de l'Unyamwezi, à Mirambo. Mirambo! Ce nom retentit en Afrique comme une sonnerie de clairon. Il fait frémir l'arabe dans son tembé et frissonner d'orgueil l'humble nègre sous sa hutte. Mirambo, pour nous qui avons suivi cette route semée de cadavres qui va de Zanzibar au Grand Lac, ce nom évoque toute une série de hauts faits, de hauts crimes, où le courage, l'intelligence et l'astuce se le disputent avec la plus sinistre cruauté. Le premier qui fut roi fut un soldat heureux, dit-on. Mirambo a fait mentir l'adage, il n'a été qu'un audacieux coquin. De chef de caravane devenu voleur, il se fit bandit. De là à être empereur nègre, il n'y avait qu'un pas, il le franchit. Et de pillages en assassinats, on le vit escalader tour à tour les divers échelons de la richesse, du pouvoir et de la grandeur. J'ai dit qu'il débuta comme chef de caravane. En effet, il dirigeait une de ces grandes colonnes d'esclaves que les Arabes envoient deux fois l'an à la côte pour y convoyer leur ivoire et rapporter en échange des marchandises européennes. Or, un beau jour, revenant de Zanzibar à la tête d'un riche convoi, Mirambo, pris de vertige de devenir maître à son tour, trouva ingénieux de s'approprier ses biens dont il avait la garde. Suivi des porteurs qu'il détourna de leurs devoirs, il se fit chef de bande dans la forêt. Pendant les premiers temps, il vécut de rapine, bornant son ambition à détrousser les caravanes. Puis, le nombre de ses compagnons s'étant accru, il tomba sur les villages voisins, saccagea la contrée et pilla tout ce qui s'offrait à ses appétits. Cependant, doué d'une intelligence remarquable, il sut organiser ses vols et ses déprédations de telle sorte que bientôt ses méfaits revêtirent l'aspect de véritables conquêtes. Des peuplades entières se rangèrent à sa loi, lui payèrent tribut, lui fournirent des guerriers, si bien qu'en fin de compte, il asservit tout le pays de l'Unyamwezi dont il se fit proclamer empereur. Ce fut une de ses fortunes rapides, brillantes comme la flambée d'une traînée de poudre. Mais elle s'affermit, se consolida, et bientôt le pouvoir du jeune chef fut reconnu par tous les souverains d'alentour. Ce n'était pas un Bonaparte africain, comme l'a qualifié Stanley, mais plutôt un Attila. Tel le farouche roi des Huns se précipitait comme un ouragan sur l'Europe civilisée, détruisant, broyant tout sous les larges pieds de ses hordes tudesques. Tel on vit Mirambo, à la tête de ses rougarougas, se lancer à la poursuite des caravanes, leur donner la chasse, les traquer, les disperser, les piller, détruire les établissements des Arabes, ses premiers maîtres, et ne pas même reculer à s'attaquer aux Européens qu'il fit assassiner avec la plus cruelle perfidie. Attila répétait que l'herbe ne pouvait plus croître où son cheval avait passé. Les légions de Mirambo, alors qu'elles sont sur le sentier de la guerre, ne laissent derrière elles que cadavres, ruines et monceaux de cendres. Et pour endiguer ce flot barbare, il n'y a point de champ catalonique. Cet empire date de 1870. C'est à cette époque qu'enivré de ses premiers succès, Mirambo jeta les fondements de sa capitale, Tierra Magazi. Elle a une sinistre histoire, cette ville dont en langue Kinyamwezi, le nom signifie « terre de sang ». On rapporte en effet que pour s'attirer les faveurs d'en haut, le cruel souverain fit égorger 12 femmes et 12 hommes, dont les corps furent enterrés sous les principales demeures, tandis que de leur sang on arrosa le sol de la cité nouvelle. Par là, Mirambo entendait mettre ses états sous la protection du génie sanguinaire qui jusqu'alors avait si heureusement présidé à ses funestes exploits. Étrange organisation que celle de cet empire. Il semble qu'un être supérieur à la race nègre en ait jeté les fondements, s'inspirant à la fois et de la grandeur militaire et de la barbarie la plus sauvage. En temps de paix, nul vestige d'armée, point d'apparat, chacun cultive, chasse, s'occupe comme il l'entend, et tant bien que mal gagne sa subsistance sans faire tort aux voisins. que si toutefois les récoltes rendent mal, si une calamité entrave les efforts du travail et compromet les nécessités de la vie, à ces sujets qui se plaignent de n'avoir rien à manger, Mirambeau répond avec colère. « Et quoi? Mes partisans sont-ils donc devenus des femmes? Et depuis quand celui qui sait tenir une arme ose-t-il se plaindre de mourir de faim? Vous manquez de vivres, dites-vous, mais la forêt n'est-elle pas là? Et chaque jour n'y passe-t-il point des caravanes? Si vous êtes des hommes, vous trouverez là votre subsistance. Allez !» Bondissant sous le sarcasme de son chef, le rouga-rouga reparaît alors. Tapis au coin du fourré, le fusil en arrêt, il guette les porteurs à l'heure où, fatigués par une longue marche, ils s'en vont à la débandade, en se traînant péniblement le long du sentier. L'attaque sera isolée. Elle portera sur plusieurs points à la fois, et l'ennemi s'emparera des charges de ceux qui tomberont vaincus, ou qui, pour mieux fuir, auront jeté leur fardeau au premier coup de feu. Cet exploit achevé, le rouga-rouga rentrera dans ses foyers, après avoir remis à Mirambeau la grosse part de la curée. Mais quand gronde la guerre pour la défense du pays, pour la conquête ou pour la vengeance, alors ce n'est plus d'une bande isolée qu'il s'agit, c'est tout un peuple qui se lève. À peine le son prolongé de la trompe a-t-il donné l'alarme, que partout retentit le signal des combats. On dirait d'une traînée de feu dans un champ de blé mûr. Chacun est averti et chacun court aux armes. On jette là pioches et cogniers pour saisir des fusils. Sur les têtes se dressent les coiffures guerrières, diadèmes de plumes et d'oripeaux. C'en est fait, le peuple pasteur, le peuple agriculteur, s'est transformé en une légion de rouga-rouga. Car Mirambeau, législateur et guerrier, a décrété le service obligatoire dans ses états. Pour s'en libérer, il faut ou avoir fait une action d'éclat, ou avoir rendu au pays un service éminent. Dans ces deux cas, Mirambeau permet aux vaillants soldats de prendre femme, il l'exempte de toute corvée, lui accorde des esclaves et lui donne des terres. Son armée n'est donc composée que de célibataires ardents et fanatiques, qui courent avec fureur au danger, à la mort, pour conquérir par leur bravoure le droit de se marier, d'être riche et de vivre libre. Aussi, à l'instar des Zoulous, les rougarougas de Mirambeau sont-ils justement redoutés. Et c'est pourtant à ce colosse nègre que Stanley, encore un peu inexpérimenté de la chose africaine, allait imprudemment s'attaquer. Lorsqu'il arriva à Tabora, il trouva le pays dans le plus grand émoi. Réunis en conseil suprême, les Arabes, maîtres de cette contrée dont ils ont fait un centre important de leur trafic, venaient de déclarer la guerre à Mirambeau, le voisinage de ce remuant monarque devenant de jour en jour plus menaçant pour eux. Ils s'efforcèrent d'entraîner Stanley dans une alliance offensive, et cédant à leur instance, pensant faciliter de la sorte sa marche vers le lac Tanganyika, le voyageur européen accorda son concours et l'appoint de ses hommes. Le 29 juillet au matin, sa caravane entière se mettait en marche de bataille. En tête de la colonne flottait le drapeau des États-Unis, qui allait, assurait-on, frapper l'ennemi de terreur. Les forces arabes, réunies à celles de Stanley, formaient un effectif de 2255 hommes, dont 1500 avaient des armes à feu. Presque tous portaient non seulement des lances, mais de grands couteaux qui devaient servir à décapiter les morts et à les mutiler. Enfin, les munitions étaient copieuses. Certains hommes en avaient pour 100 coups, tous ceux de Stanley en possédaient pour 60. Quant à l'animation qui régnait dans les rangs des combattants, c'était plus que de l'enthousiasme, c'était un véritable délire guerrier. Le 3 août, les deux corps d'armée firent leur jonction, et la colonne s'ébranla au son des trompes, au roulement de 50 gomas ou grosses caisses, avec autant de bannières qu'elle comptait de chefs, accompagnée des bénédictions des mollahs et comblée d'heureux augures de la part des magiciens, des astrologues et des divinateurs du Coran. Le lendemain matin, les guerriers se barbouillaient d'un onguent magique, fait à leur intention par les sages du lieu, et composé de farine de sorgho, mêlée au suc d'une herbe précieuse, dont les devins indigènes connaissent seuls les vertus. Et vers 6 heures, tout le monde étant prêt, le commandant en chef, un superbe nègre croisé d'arabe, harangua fièrement les troupes. « Écoutez, écoutez, enfants de l'Unyanyembe, écoutez. La route est devant vous. Les bandits vous attendent là-bas, les bandits de la forêt. Ce sont eux qui arrêtent les caravanes et qui les pillent. Ils prennent votre ivoire, ils emmènent vos femmes, ils vous tuent quand vous résistez. Mais regardez aujourd'hui avec fierté autour de vous. Pour vous seconder dans la lutte, vous avez l'appui du sultan de Zanzibar. Vous avez l'homme blanc et son drapeau magique. Vous avez les Arabes. Allez et combattez. Tuez l'ennemi. Prenez ses esclaves, ses richesses, ses provisions, son bétail. Tuez et mangez. Tuez et remplissez-vous. Allez, partez !» Un cri sauvage accueillit ces paroles. L'enceinte du village où l'on était campé s'ouvrit aussitôt et les guerriers s'élancèrent en bondissant comme des gymnastes, tirant des coups de feu et préludant au vrai combat par des simulacres qui devaient les entraîner et leur donner du cœur. Bientôt, on fut en vue de Zimbizo, où Mirambo avait massé des troupes, et l'engagement commença. Rien de plus risible que la vue de ces tirailleurs nègres sautant de côté et d'autre, en avant, en arrière, avec la prestesse de grenouilles. La bataille devenait pourtant sérieuse, et le feu de l'ennemi s'étant modéré, Stanley et ses hommes se précipitèrent vers la forteresse, enfonçant les portes, escaladant la palissade, tandis que les pauvres habitants fuyaient dans la montagne, poursuivis par les coureurs les plus rapides et par les balles des carabines et des mousquets. Le village de Zimbizo était bien fortifié. On n'y trouva pas plus de 20 morts, tant les assiégés avaient été protégés contre le feu des troupes. Des forces suffisantes y furent laissées, et le gros de l'armée, avec Stanley et ses hommes, se remit en marche. Une heure après, deux autres villages étaient au pouvoir des assaillants, mis à sac et incendiés. Des dents d'éléphants, des centaines d'esclaves, du grain en abondance, composèrent le butin. Le lendemain, les Arabes se divisèrent en plusieurs corps, qui devaient opérer simultanément sur des points différents aux environs de Zimbizo. Stanley, pris de fièvre, demeura au quartier général et se mit au lit, en défendant à ses hommes de prendre part à ces combats isolés. Il ne fut pas écouté. Profitant de son état pour lui désobéir, les deux tiers de sa bande partirent pour livrer bataille et surtout pour piller les villages voisins. À 6 heures, une nouvelle écrasante arriva à Zimbizo. Une colonne de 500 hommes, commandée par les chefs les plus vaillants, avait été détruite et tous les Arabes avaient succombé. C'était un vrai désastre qui se dessinait. Voici ce qui s'était passé, et l'on comprendra par là la méthode de se battre des Rougarouga de Mirambo. Lorsqu'enivrés de leur succès de Zimbizo, les Arabes vinrent assiéger le village voisin, Vouilyankourou, ils envahirent cette place presque sans coup férir. Pourtant, Mirambo s'y trouvait, mais au lieu de soutenir le siège, il fit mine de déguerpir, et les vainqueurs ramassèrent un riche butin. 200 à 300 esclaves, 100 dents d'éléphant et une montagne d'étoffes et de perles. Cependant, alors qu'on le croyait en fuite, Mirambo était tout près de là avec ses guerriers, blottis dans les herbes des deux côtés de la route. Et quand passèrent ses ennemis vainqueurs chargés de toutes ces choses et gorgés de victuailles, il tomba sur eux et les écrasa sans qu'ils puissent rien comprendre à cette attaque imprévue. Ce retour offensif d'un adversaire qu'on croyait tenir à merci frappa les hommes d'une telle panique que tous ceux qui ne furent pas tués jetèrent là armes et trésors, se dispersèrent dans les bois et regagnèrent Zimbizo par de longs détours. L'effet de cette nouvelle fut foudroyant. Dans l'intérieur de la ville où se trouvait Stanley, il n'y eut pas moyen de dormir tant les femmes pleuraient bruyamment leur époux. Toute la nuit, on les entendit hurler des lamentations auxquelles se mêlait de temps à autre le gémissement des blessés qui avaient pu gagner le quartier général. Jusqu'au matin, il en arriva, et leur récit lamentable ne faisait qu'augmenter la terreur et jeter le désarroi dans le camp. Le jour suivant, au lieu de s'entendre pour réparer leur échec, Arabes et indigènes s'accusèrent mutuellement d'avoir causé tout le mal. Le conseil supérieur tint plusieurs séances, dans lesquelles on parla de retraite. Et le bruit de cette lâche décision se répandant au dehors acheva de démoraliser les troupes. En vain, Stanley, cloué sur son lit, essaya-t-il de faire comprendre au chef combien ce parti était insensé, que c'était appelé Mirambo chez eux, qu'on ne bat pas en retraite au premier revers, que les forces dont on disposait étaient plus que suffisantes pour continuer brillamment la lutte. Il ne fut pas écouté. Sans l'en avertir, tous ces vaillants guerriers s'enfuirent à tire d'aile avant même que l'approche de Mirambo eût été signalée. Stanley fut forcé de les imiter. Terrassé par la fièvre, ne pouvant se tenir debout, il enfourcha son âne et se mit en route à son tour pour Tabora. Ses gens ne cessaient de regarder derrière eux, croyant toujours avoir l'ennemi au talon. Finalement, ce fut un sauve-qui-peut général, et la retraite dégénéra en une lamentable déroute. On comprend l'immense orgueil que ressentit Mirambo de ce succès. Avoir vaincu l'homme blanc allié aux Arabes, n'était-ce pas, à vrai dire, le plus beau triomphe que pouvait rêver cet empereur nègre? N'était-ce pas la plus puissante assise pour son royaume naissant? Fin de la section 105.